Bienvenue tout le monde sur la POC. Je vais gagner ton animateur et nous sommes l'édition pré-date limite des transactions. Nous sommes le 22 février 2018. Avec moi cette semaine, Jerry Goodboo! Hey, salut JB! Il est en forme? Oui, quand même. Yes. Et cette semaine, on a un invité. Il va nous donner le temps qu'il peut, très occupé, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est très intense dans son univers en ce moment. Depuis le danslescoulisses.com, avec nous, Jeff Drouin! Je suis tellement famous, famous! Clairement la vedette du show. Ça va bien, boys? Yes. Ben ouais. Très content de te recevoir sur l'émission. C'est une période qui est très chargée. Parle-nous un petit peu, là, ça ressemble à quoi en ce moment ton quotidien par rapport au dans les coulisses avec toutes les rumeurs de transactions puis tous les mouvements dans la Ligue nationale? Ben, je te dirais que j'ai 8 minutes de libre par jour, puis je dors pas, puis je travaille 26 heures sur 24. Tu sais, en ce moment, ça ressemble à ça, parce que JB, tu le sais, avec la saison de marde du Canadien de Montréal, en plus de toutes les rumeurs, là, on est vraiment occupé. Un appel ici, un appel par là, puis 8-9 textes par jour. Fait que, je te le dis, ça arrête pas, puis je suis content que ma blonde soit là pour m'aider avec les enfants. Ouais, c'est clair que ça doit être intense. Moi, pour les 2 ou 3 premières années du site, c'est durant la date limite des transactions, puis le 1er juillet, souvent j'étais là pour créer des textes, gérer toute la patente, mettre à jour les affaires, puis c'est des hosties de journée de mongol. Ouais, c'est très, très mongol. Aujourd'hui, ça en a été vraiment folle. Là. Je m'attendais pas à ça parce que on a annoncé que chez Weber ne reviendrait pas de la saison. Là. On le savait que ça s'en venait. Puis en plus de ça, on annonce que Carey Price, c'est une commotion cérébrale. Donc, tu connais le site, tu sais comment qu'on roule. Fait que tu sais, quand il y a des nouvelles comme ça qui sortent, on est sa nouvelle, on est là, on est rapide. Fait que ça a été une journée très faste aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Écoute, pendant que tu es là, on va en profiter. Jerry, je vais poser des questions surtout pour Jeff parce que je veux maximiser le temps qu'on a avec lui. C'est quoi les rumeurs que tu entends, Jeff? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer le 26 à la date limite des transactions, d'après ce que tu entends? Ben, moi, je pense que ça va brasser beaucoup, puis il y aura pas beaucoup de rental players qui vont bouger, selon moi. On dirait que ça va être des grosses trades qu'on est en train de préparer. Comme par exemple, ce soir, Rick Nash. Ce soir, on est le 22 février. Rick Nash et Mikael Granner ne jouent pas pour les Rangers. On s'attend à une transaction imminente. Mais tu sais, si on parle du Canadien de Montréal, parce que c'est près de chez nous, j'y peux, tu me permets-tu de parler d'eux autres un peu? Ben écoute, à peine. Mais tu sais, j'aimerais ça plus des autres clubs, mais c'est correct. OK, ben... Non, vas-y. J'ai pas le choix, parce que je trouve tellement que le plan Bergevin, il est brouillon, premièrement. Sais-tu ce qui s'en va, que c'est ski? Ben, je sais pas si lui, il le sait, mais de base, là, y est-tu menotté ou y est pas menotté? Parce que là, y a même ça, là, c'est... Y a des informations contradictoires, y a des médias qui disent que y a plus le feu vert pour faire des transactions sans approbation au-dessus de lui. Y en a d'autres qui disent que oui, y a le plein pouvoir encore. C'est-tu vraiment encore Marc Bergevin qui est en contrôle du club? Mais écoute, JB, je vais être franc avec toi. Je fouille là-dessus depuis que mon ami Georges Larac a sorti la nouvelle hier. J'ai appelé certains contacts, puis je suis pas capable de me faire dire que Bergevin est les mains liées. Il y a personne qui me dit « Hey Jeff, il est vraiment les mains liées, il peut pas rien faire. » Fait que je peux pas te le certifier à 100%, mais la source de Georges Larac, je pense qu'elle est infaillible. Puis je pense pas que Larac est dans le champ gauche. Mais comme tu dis, Plekanec est disponible d'un bord, Plekanec n'est pas disponible de l'autre bord. On ne sait plus où s'en aller, on ne comprend plus rien. Mais la pire des situations, c'est que Andrew Shaw semble être le seul intouchable parce que c'est lui qui apporte cette fameuse nouvelle culture au sein du vestiaire. Quelle culture, tabarnak! Quelle culture! T'as lu le texte de Pierre Lebrun sur The Athletics? Ben oui! Tu sais, quelle culture. Oui, il a gagné des coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Je l'aime, le joueur, tu le sais, là. Mettons, on parle pas de son contrat. Je l'aime. C'est un guerrier, c'est un gamer. Mais quelle culture. Quelle culture, lui et Shea Weber, ont amené dans ce vestiaire-là? Rien. Ben non. Puis, mettons, là, on revient, là, on recule dans le temps, là. T'as enlevé Heller, t'as enlevé Subban, qui semble-t-il étaient des pommes pourries dans le vestiaire. Et en ce moment, ils sont plus là. Et malgré ça, c'est encore pourri dans le vestiaire. Fait que ça se peut-tu qu'on n'a pas piqué les bons choix puis qu'on n'a pas choisi les bons éléments à conserver? Moi, je lance la question, puis la réponse, je l'ai pas, là, mais mettons que ça nous laisse perplexes en ce moment. Là. Absolument. Puis tu sais, après mûre réflexion, moi, quand on a conclu la transaction Weber sous Ben, tu sais, j'étais un fan de Weber, j'étais content de le voir arriver. Mais là, je réfléchis depuis ce temps-là, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Bergevin, il veut remplir son vestiaire de petits gars qui font pipi assis, qui sont peignés sur le côté, puis qui vont en messe à tous les dimanches. Il veut un vestiaire où il n'y a pas un astifi de mots, personne parle. C'est pas comme ça que tu gondes. Dans une équipe de hockey, il faut que tu aies des gars extravertis. On l'a vu avec André Roy dans le temps, avec le Lightning de Tampa Bay, là. C'est lui qui divertit tout le monde par sa couleur. Mais on n'a rien de ça à Montréal. On veut juste des petits gars bien, bien tranquilles qui sortent pas du tout. Ça marche pas. C'est pas comme ça que tu gagnes. Ça prend de la diversité dans un vestiaire, je crois, pour gagner une Coupe Stanley. Je te sors une coupe de noms, OK? Tu me dis si t'as entendu des rumeurs, si t'as entendu des choses, puis s'ils vont rester ou s'ils vont partir, OK? Vas-y, je suis prêt. Plekanec. Il vient de marquer d'ailleurs ce soir contre les Rangers. J'ai l'impression qu'il va rester, et non seulement il va rester, il va paraffer un nouveau pack avec le Canadien pour terminer sa carrière là-bas. Calice. Alex Galchenyuk. Il est dans la vitrine, ça fait 2 ans. J'ai de la difficulté, honnêtement, à te répondre précisément parce que il semblerait que sa valeur n'est pas aussi élevée que Bergevin souhaiterait. Dernièrement, il fait quand même des belles choses. J'ai le feeling que lui aussi va rester. Le capitaine Max Pacioretty. Encore là. Il y a tellement de rumeurs JB qui circulent à son égard. Moi, je trouve ça épouvantable. Le gars, on dirait qu'il veut plus jouer là. Ça a plus l'air d'y tenter. Tu sais, même s'il s'est fait bâtir une nouvelle maison puis qu'il sent bien à Montréal, blablabla, je pense qu'il est écœuré de jouer là. Puis je pense que Bergevin va essayer de le sortir. Mais si la rumeur de Larac est vraie, Pacioretty va rester à Montréal. On s'améliorera pas, en tout cas. Chat, on vient d'en glisser mot. Es-tu vraiment intouchable? Oui, parce que c'est assez unanime dans son cas dernièrement. Puis tu sais, c'est les insiders comme McKenzie ou Lebrun qui en parlent. Fait que j'ai l'impression que oui. Lui et Gallagher. Puis même, je dirais, Dano ne bougeront pas de là. OK. En défense, là, ça vient d'être annoncé, il est blessé. Fait que chez Weber, on s'entend, le sort est bouclé, il bougera pas. Il bougera pas, effectivement. Est-ce que Petrie, qui a encore marqué ce soir, peut-il être une monnaie d'échange? Ben, tu sais, quand tu veux reconstruire, là, sincèrement, ces gars-là, faut que t'es sortes, faut que t'es bouges, faut que t'ailles chercher des jeunes espoirs, faut que t'ailles chercher des choix, peu importe, ou même des jeunes joueurs qui sont en train de se développer, c'est ça, faut que t'ailles chercher. Mais, moi, je me pose toujours la question, est-ce que Bergevin va vraiment rebâtir ce club-là? Est-ce que Molson veut conserver Bergevin? Tu sais, c'est ça qui est tellement ambigu, JB, là. C'est difficile de savoir où le Canadien s'en va, sérieusement. Fait que je pense pas que Petrie va bouger. Holzner? Moi, c'est un souhait. C'est plus un souhait qu'une réalité, là. Je pense pas que c'est ton souhait juste à toi, là, mais il va rester à Montréal, malheureusement. C'est qui veut de ça, là, en tout cas, moi? Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour le gars. Il bloque des shots, mais ça, c'est juste ça qu'il fait. C'est un genre de Josh Georges que ces gars-là, rendus à 30-31 ans, sont finis. Quand il a été changé, j'avais beaucoup fait circuler un article. Il avait jasé avec le Washington Post pour dire que les pots maçons chez eux, c'est pas lui qui les ouvre, il a trop les mains maganées. Exactement. T'sais, ça partait mal. Puis, tu sais, faut pas oublier que ce gars-là a joué pendant 6 ou 7 ans avec John Carlson, là, qui est très sous-estimé, qui est un grand défenseur au sein de la Ligue nationale. Ouais, puis de Niskanen, puis ouais. Schlemko? Pour vrai, JB, là, les Sharks de San Jose, ils ont été tatas. Ils ont donné un contrat de 2 ans, 2,5 millions, je pense. Le plus gros contrat à vie de joueur-là. Puis Marc Bergevin, il est allé le chercher. Tu sais, les Sharks l'ont pas protégé, Vegas l'a ramassé. Puis Bergevin est allé le chercher. Fait que qui veut de ça à part le Canadien de Montréal? 2,5 millions, Schlemko, un huitième défenseur. C'est 2,1, puis il reste 2 ans. Fait que c'était 3 ans de contrat. Mais écoute, un an de plus, même 400 000 de moins. Alors, on s'entend que c'est le même ratio. Jordy Benn, hey, pour vrai, je te donne des noms, puis je fais comme, hey, non, on n'est pas né avec. Ben, j'aimerais ça dire, ah, lui, j'ai entendu ça, mais... Je te le dis, il n'y a rien qui circule en ce moment. Puis même mon collègue Max, il fouille de son côté. Puis c'est difficile d'avoir des infos ou d'avoir deux fois la même info. Donc, Jordy Benn ne bougera pas. Et Niemi. C'est pas mal le dernier nom. Là, je suis rendu d'un goaler. Mais, tu sais, si, mettons, on décide de vraiment là, tanker, là, ils vont garder Niemi, ils vont garder Lindgren, puis ils vont annoncer la semaine prochaine que Price ne revient pas. Ouais, il me semble. Écoute, si Marc Bergevin est déjà trop orgueilleux pour tasser Osner puis le passer au ballottage, qui, de toute façon, serait pas réclamé, je peux pas croire qu'il va échanger Price avant même qu'il entame son contrat. On oublie ça, je suis d'accord avec toi. Puis, hey, by the way, pour Pacioretty, t'as possiblement lu qu'il y avait eu quelques petites prises de bec avec Marc Bergevin. Ouais. Donc, si jamais il part pas à la date limite, moi, j'ai l'impression que le renvoi de Bergevin s'en vient. Moi ça, si Pacioretty reste avec le Canadien à date limite, je veux Bergevin sera pas de retour pour la saison prochaine. Penses-tu que... Parce que là, je vais prendre la balle au bon. Là. Si Pacioretty n'est pas échangé à la date limite des transactions, est-ce que ça veut dire que c'est une volonté de Molson et des propriétaires du Canadien que Pacioretty soit échangé? Moi, je pense que si Pacioretty ne bouge pas, c'est que Molson a dit à Bergevin, tu ne bouges pas, mon capitaine, puis il va laisser le nouveau GM, le futur GM, mettre son empreinte. OK, c'est bon. Si Marc Bergevin, il pourrait être congédié après la date limite des transactions, est-ce que ça veut dire avant la fin de la saison ou durant l'été? Durant l'été, parce que ça l'arrive, là, mais c'est très rare qu'un dirigeant est remercié pendant la saison en cours. Ça se fait plus souvent pendant l'été. Oui, c'est arrivé qu'il y a eu des remerciements pendant une saison, mais j'ai l'impression que Bergevin va finir sa run jusqu'à la fin de la saison. Parce que Bergevin était embauché à la fin de la saison. Je ne sais pas s'il restait des matchs, mais c'est lui qui avait l'idée le repêchage. Cette année-là, là, c'est l'année où est-ce que le Canadien a sélectionné Galchenyuk troisième. Drouin, je sais pas si la télé est ouverte derrière toi, là, mais y a-tu moyen de mettre ça sur mute? C'est-tu correct? Là, ça va. Je pensais que c'était moi qui faisais du feedback ou whatever, là. Bon, ben, je te donne un autre 10 minutes pour ça. OK, c'est bon. Écoute, bon, je reviens à ma question. Est-ce que le successeur, s'il y a successeur à Bergevin, va prendre le contrôle pour l'aider le draft ou ça sera après le draft? Parce que là, l'été, on s'entend que avec la fin de la saison, c'est quand même très proche, là. Si Molson a vraiment un plan de sortir Bergevin de l'organigramme, j'ai l'impression que le successeur est déjà prêt dans sa tête. Ben, dans la tête de Molson, c'est-à-dire que Molson sait qui veut embaucher. J'ai l'impression que ça va se faire avril-mai. Parce que si je me souviens bien, Bergevin a pris son trône au mois de mai 2012, si ma mémoire est bonne. Fait que je pense que ça va rouler à peu près comme ça. Ouais, parce que pendant les séries, t'as un laps de temps, là. C'est vrai que c'est très serré, fin des séries, draft, mais à la fin de la saison, c'est vrai qu'il y a quand même un laps de temps. Qui sont, selon toi, les candidats potentiels pour prendre la succession de Bergevin? Tu sais, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais moi, mon favori, personnellement, c'est Julien Brisebois. On a vu ce qu'il a fait avec le Lightning, là. Tu sais, c'est pas tout Steve Yzerman qui a monté cette équipe-là. Il y a une tonne de Québécois. Je vais nommer juste Yannick Gourde. C'est Julien Brisebois qui l'a amené dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. C'est un homme de hockey extraordinaire. Moi, c'est lui que j'aimerais qu'on nomme. Est-ce que ce sera Stéphane Quintal? Est-ce que ce sera Patrick Roy? Tu sais, il y a plusieurs noms comme ça qui circulent, mais moi, le nom le plus logique, j'irai avec Julien Brisebois. Moi, j'ai déjà mentionné moi le plan que je ferais. Parce que je pense pas que Molson va débarquer du poste de président. Fait qu'on oublie ça, là. Je pense que ça va rester béton. Pour le poste de DG, j'irai avec un DG à deux têtes, Brisebois et Dubas. Et en prime, si tu fais ça, tu fais mal à deux adversaires directs du Canadien. Ben, ton idée est pas folle, JB, sincèrement, mais j'ai de la misère avec ça. Molson, qui s'occupe de la présidence des opérations hockey, ça fit pas, pour vrai. Ah non, je le sais, mais reste que c'est le propriétaire, puis s'il décide que l'équipe de ce siège-là, il peut, là. Non, je suis 110% d'accord avec toi, mais tu sais, entre toi et moi, ce gars-là devrait lui-même se limoger de ce poste-là, là, pour le bien de son équipe, mais on le sait qu'il le fera pas. You're fired. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Hey, Jerry, as-tu des questions? Ben, t'as pas à te poser maintenant. Là, je voulais, savoir qu'est-ce qu'il pensait des joueurs qui allaient quitter, mais t'as tout garoché. Fait que moi, j'écoutais, j'étais un auditeur pendant ce temps. OK, cool. Autre question. Je descends d'un niveau. Marc Bergevin vient d'embaucher, ben ça fait un an là, maintenant que Julien est là. Bonne ou mauvaise embauche? Et si on change le DG, est-ce que lui pourrait décider rapidement de mettre son homme de confiance au poste d'entraîneur? Ouf! Ben ça, tu sais, je veux dire, le Canadien paye encore Michel Therrien. Oui. Tu sais, je les vois mal s'il embauche un nouveau GM de tasser rapidement Claude Julien qui a signé un pacte astronomique de 5 ans. Puis tu sais, je vais t'avouer, j'étais pas si emballé que ça de son retour derrière le banc. Puis on voit la façon que les Bruins de Boston jouent actuellement. Je pense que les gars sont... La plupart sont contents que Claude Julien soit parti. Puis j'aime pas son système de jeu, garde, j'aime pas ça. Moi, c'est un style de jeu qui m'impressionne plus aujourd'hui. Je pense plus que ça laisse sa place. Mais bon, c'est lui qui est en poste en ce moment, puis je suis pas sûr qu'il va quitter si hâtivement que ça, même si la garde change en haut. Est-ce que le Canadien, puis tu vois, il y a un lien, est-ce que le Canadien doit faire une reconstruction, oui ou non? La vraie réponse est oui. OK. Si le Canadien le fait, maintient Claude Julien comme entraîneur-chef, est-ce qu'on se ramasse pas à reproduire un schéma qui n'a pas fonctionné à Boston? Parce que quand Claude Julien a été congédié, je pense que c'est Cam Neely qui a mentionné ça, il ne faisait pas jouer assez les jeunes joueurs. Reconstruction égale jeunes joueurs. Est-ce qu'on venait pas en train de se tirer dans le pied à Montréal de maintenir cet homme-là dans une reconstruction potentielle? Ben, un peu à l'image d'Alain Vigneault, tu sais, Claude Julien, c'est un gars de vétéran, c'est un gars qui veut gagner dans le présent, puis, tu sais, si construction il y a officiellement, parce que moi, je pense que c'est ça, faut qu'il se passe à Montréal, évidemment, Claude Julien a moins sa place dans le portrait. Mais, tu sais, comme je te le mentionnais tantôt, je suis pas convaincu qu'on va le tasser de sa chaise. Dès que Bergevin va partir, on va peut-être laisser passer un an ou peut-être laisser passer le temps où le contrat Michel Therrien se terminera. Là, je ne sais plus c'est quand que se termine le contrat de Therrien. Ma mémoire fait défaut parfois. C'est pas à la fin de cette année-ci? En tout cas. Peut-être que oui, peut-être que tu as raison. Mais si c'est le cas, il n'y aura plus de raison de limoger Claude Julien si jamais le Canadien décide de faire un vrai 360. Mais toi, tu y crois-tu? À un vrai 360 de cette organisation-là? Ben, moi, je préférerais un 180, parce que si tu fais 360, tu reviens sur tes pas, là, mais... OK, c'est ce qu'ils ont fait. Bergevin, c'est ce qu'il a fait. C'est vrai, pareil, il part en 2012, puis en 2018, il revient à la même affaire. Fait OK pour le 180. mais, tu sais, à un moment donné, je l'avais déjà calculé pour les auditeurs là, qui consultent notre page Facebook, ce que Bergevin avait comme actif quand il est rentré en poste versus ce qu'il léguerait comme effectif en ce moment. Et pour vrai, c'est pas glorieux. Là. C'est pas avantageux. Il a pas amélioré le sort du Canadien, selon moi. Là. Quand tu parles du Canadien, il faut plus que tu glisses le mot glorieux dans tes phrases. Non, je sais, mais c'est parce que ça fait mal. C'est pour ça que je l'utilise encore. Non, mais t'as raison, JB. OK, mais je partais pour te demander, ça ressemblerait à quoi ton bilan de ce règne-là et même plus particulièrement de la dernière saison du Canadien? Ben moi je peux pas comprendre là. Je vais oublier Subban puis Weber, ça c'était fait là, il y a deux ans. Je peux pas comprendre qu'Alexander Radulov ne soit pas revenu avec le Canadien de Montréal. Moi, je pense que ça part de là. C'était l'étincelle, c'était la passion de cette équipe-là. Il donnait du punch. Son grand sourire était divertissant. La même chose pour le général Markov. Le général Markov, il a passé sa vie avec le Canadien. Il a joué 898 matchs, je pense, avec le Canadien. Pourquoi que lui est parti? T'sais, j'ai de la misère à comprendre ça. C'est Claude Julien qui a réellement dit « Moi, j'aime pas ça, les Russes, sors tout du vestiaire, je veux pas coacher ça. » C'est ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais ces deux moves-là, ben les non-signatures de ces deux joueurs-là, ça a fait très, très, très, très mal parce que il y a des joueurs qui jouent pas dans la bonne chaise. On a perdu énormément de punch offensif. T'enlèves Radulov de là, tu perds beaucoup, beaucoup de punch. Tu rajoutes un gars comme Drouin que tu fais jouer au centre. En plus, tu fais jouer Jonathan Drouin au centre. Que c'est ça, JP? C'est une autre erreur majeure. Tu perds Radulov, tu perds Markov. Deux erreurs. T'ajoutes Drouin. Ah, que j'étais content. Un petit Québécois qui s'en vient. Il est dynamique, il est électrisant. On va le faire jouer au centre. Il y a 41% de taux d'efficacité au cercle des mises en jeu. Le gars fait juste penser à bien jouer défensivement et à bien jouer dans trois zones. Comment tu veux qu'il soit électrisant? Comment tu veux que Jonathan Drouin soit Jonathan Drouin? Moi, je trouve ça drôle. J'aime que tu amènes l'aspect mise en jeu parce que l'an passé, Galchenyuk était à 39,5 ou 6% à la fin de son séjour au poste de centre. Dans ce qui aura été, on va se le rappeler, le meilleur départ de saison de l'histoire du Canadien de Montréal, c'était lui qui était joueur de centre. Mais là, on a décidé que ce n'était plus un joueur de centre. Et avec performance, écoute, c'est un point par match que Galchenyuk avait avant sa blessure, avec des performances loin d'être à la hauteur, à cette hauteur-là, Drouin, lui, on lui donne la saison au complet. Moi, ce que je vois là-dedans, l'équation, là, la résultante de ça, c'est l'orgueil des décideurs du Canadien de Montréal. On a décidé que Radulov ne devait pas avoir X montant, X nombre d'années. On a décidé que Markov ne devait pas avoir le montant, les deux années qu'il souhaitait au montant qu'il voulait par orgueil. On avait raison. On s'est vanté de dire qu'on avait une meilleure défensive. On n'a jamais admis que finalement, ce n'était pas le cas. On a décidé que Galchenyuk ne serait pas un joueur de centre. Il n'y est jamais retourné malgré l'une des pires saisons de l'histoire du Canadien. Et Jonathan Drouin, on a décidé que c'est un joueur de centre. Et malgré que ça ne fonctionne pas après presque une soixantaine de matchs, on maintient ça. Je considère que le Canadien est en train de périr en raison de son orgueil. Quel excellent point, JB. Tu sais, ça arrive, on était en désaccord dans le passé, là, pis on a eu des beaux débats, mais là, je peux pas être en désaccord avec tes propos. Puis, tu sais, tu parles de Galchenyuk qui a joué au centre, là. Galchenyuk, c'est un vrai centre, excuse-moi. Même si c'est difficile pour gagner des mises en jeu, il est capable quand même de reprendre la possession du disque rapidement. C'est un gars qui a évolué au centre toute sa carrière. Drouin, c'est un gars qui évolue au centre dans le junior parce qu'il était trop bon, mais c'est un ailier gauche naturel. Pourquoi qu'on fait pas jouer ou qu'on n'a pas fait jouer Galchenyuk au centre parce que c'est un vrai centre et Drouin à gauche ou à droite dans le pire des scénarios? Tu sais, la vraie vie, c'était ça. Puis en plus, tu t'en viens me parler de la brigade défensive qui est supposément meilleure que l'an passé. Avec ça, faut être cabochon puis faut prendre le monde pour des calices de cave, JB. Oui, gars, je peux pas te contredire là-dessus. Hey. Puis, moi, ce que j'ai peur, et j'espère que les gens ne tomberont pas dans le panneau. Je pense que les gens, la plupart, tomberont pas dans le panneau, malgré le fait que les médias traditionnels vont quand même accepter ce truc-là publiquement. Mais je suis convaincu que le Canadien va utiliser l'excuse des deux blessures de Price, parce que là, il y a une commotion, mais il avait été blessé plus tôt au début de la saison, et la blessure de Shea Weber pour expliquer l'état des lieux de l'équipe cette saison. C'est sûr qu'ils vont utiliser cette... C'est inévitable. On le voyait tout ça se dessiner. Là. On savait où ça s'en allait. Puis tu sais, comment tu peux sortir aujourd'hui que Shea Weber a besoin d'une opération à cause d'une déchirure au tendon du pied gauche? Comment tu peux, deux, trois mois plus tard, annoncer ça? Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, JB. Là. La médecine devait savoir que ça prenait une opération bien avant aujourd'hui. On essayait-tu de vendre l'étiquette puis du rêve que peut-être les séries c'était pas terminé cette course-là? Je sais, c'est la seule avenue que moi je vois là. Moi, cette organisation-là me déçoit outrageusement. Elle perd énormément de clientèle. Je trouve ça désastreux. Je trouve ça pitoyable. Je trouve ça triste pour le peuple québécois que le Canadien nous fait vivre ça. Pour vrai, là, tu sais, on chialait contre Pierre Gauthier, mais on est-tu mieux avec Marc Bergevin? La réponse est non. Non. C'est, non. Je déception totale. Par la force des choses, je sais que le Canadien, c'est le centre d'intérêt. Tu sais, un site comme le Dans les coulisses, pas de Canadien de Montréal, ça n'existe pas. Tu sais. On s'entend là-dessus. C'est donc le centre de l'attention. Mais toi, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'amateur de hockey, je sais que tu es un gros fan des Caps, tu vas revenir nous en jaser sur la POC dans un prochain show. Es-tu en train de te déconnecter avec le Canadien de Montréal? Sens-tu que les fans, le Canadien, c'est plus top of the line, là, c'est plus la grosse patente dans le cœur des partisans? Ah, ben, JB, mais hein, que moi, je suis en train de déconnecter. Puis, tu sais, je parlais avec des chums là, qui suivaient le Canadien, qui écoutaient les 82 matchs du Canadien. Puis aujourd'hui, tu sais, l'un de mes meilleurs amis écoutait juste une game du Canadien de Montréal. Puis lui, il me dit: je me suis mis à jouer au petit hockey avec mon gars. Je me suis mis à aller jouer dehors avec mes enfants au lieu d'écouter le Canadien Montréal. Puis calique, je suis pas moins heureux. Fait que si ce gars-là me dit ça, ben il y a d'autres personnes qui pensent de la même façon que lui, puis qui se découvrent d'autres activités que le Canadien Montréal, ou ils se découvrent d'autres équipes. On a vu les Golden Knights de Vegas. Il y a beaucoup de gens du Québec qui se sont attachés à cette équipe-là. Les Prédateurs de Nashville, la même chose. Puis qui est là-bas, il y a beaucoup de gens du Québec qui suivent les Prédateurs de Nashville. Fait que tranquillement, Molson perd des clients, perd des fans, perd des adeptes. Puis ça, là, c'est important pour lui, ces partisans-là. Il doit conserver son bassin de partisans, mais il en perd sans bon sens. Les cotes d'écoute chutent, ça n'est triste, je ne sais plus quel qualificatif employer, JB, mais cette équipe-là a rien de reluisant, mais absolument rien. Non. Écoute, ça en est triste parce que, tu sais, on jasait tantôt de qui va quitter, qui ne quittera pas, et le Canadien est coincé dans sa formule actuelle. Oui, l'attaque, là, il y a juste Plekanec qui a plus que 30 ans. Là, l'attaque est relativement jeune, mais la défensive, là, il n'y a rien qui n'est pas sous contrat pour l'an prochain qui a en bas de 30 ans, tu sais. À part Mété et Yolson. Le reste, ça a tout plus que 30 ans. C'est censé être des défenseurs, c'est censé être des éléments qui sont au top de leur performance. Puis t'es barré avec cette situation-là. Le Canadien, l'an prochain, va se battre pour avoir à nouveau le premier choix total. Faut s'attendre à ça, là. Ben oui. Puis faudrait que ce soit ça. Tu sais, les livres, on a fait caca sur les livres pendant combien d'années? Ils ont décidé, eux autres, de le remplir, le réservoir. Puis aujourd'hui, là, tu regardes les Austin Matthews, les Mitch Marner, les William Nylander. C'est excitant de voir jouer ces jeunes-là. Puis cette équipe-là performe. Puis on voit qu'il y a une unité d'équipe. Tu sais, puis... Hey, qui haït pas Toronto? Là? Quand t'es fan du Canadien, t'haïs Toronto. Mais il y a déjà JB... qui haïssait Toronto. Il se levait la nuit pour haïr les Maple Leafs de Toronto, puis aujourd'hui, il prennent pour les Maple Leafs de Toronto. Tu sais, moi, ça m'en dit beaucoup, là. Jerry, c'est un gros fan des Maple Leafs, d'ailleurs. Il fait bien. Il est embarqué dans le Ben Wagon. Il fait bien, Christy. Le Ben Wagon passe sortir du Canadien au plus calique. Ah oui. Oui. Non, c'est ça. C'est pas évident. Puis, tu sais, je dis l'an prochain, on est coincé avec ça. Ça sera pas évident. Dernièrement, on a eu les Rangers de New York qui ont fait une lettre à leurs partisans pour annoncer le plan. Je sais qu'Alain Vigneault n'est pas content. Mais lui, c'est un coach. Son but, c'est de garder sa job. C'est de gagner des matchs. Je comprends ça. Mais au septième étage, eux autres, c'est un plan à long terme. Si tu veux gagner une coupe aujourd'hui, ça passe par là. Les Maple Leafs l'ont fait, les Rangers le font, et selon moi, dans la Ligue nationale, c'est la Sainte Trinité avec le Canadien, c'est les trois plus gros clubs de la Ligue nationale. Et il y en a deux là-dessus qui ont fait ça. À partir de maintenant, j'espère qu'il n'y a pas personne des médias qui vont pouvoir dire À Montréal, tu peux pas faire ça. Ben, si tu peux pas. Si tu peux le faire à New York, tu peux le faire à Toronto, tu peux le faire à Montréal. Ça, c'est de la bouillie pour les chats, puis c'est un discours bien facile de politicien, là. Puis, tu sais, on nous disait, ah ouais, mais les Maple Leafs, fait depuis 1967 qu'ils n'ont pas gagné, c'est une culture de perdant, blablabla. Montréal, là, après un quart de siècle, j'espère qu'on ne regarde pas personne de haut, là. Il faut pas. Depuis 93, on est dans une culture de perdant. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, le Canadien Montréal, depuis 93? C'est ça. C'est un gros palmarès, là. Mais ça tourne en rond. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas de centre numéro un? Ça fait combien d'années que, tu sais, on construit autour du gardien de but. Puis aujourd'hui, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, moi, je crois pas à ça, construire autour de ton gardien, mais ça, c'est mon opinion personnelle. J'aimerais ça pouvoir te contredire, mais non. Tu sais, puis JB, tu me parles des Rangers, là. Je souhaite tellement que McDonough se ramasse avec le Lightning de Tampa Bay. Ouais, ouais. Je te fais un souhait, là. Ah oh ouais, puis tu sais, il y a des rumeurs de Carson avec Nashville, imagines-tu? Hey, ça, là, j'aimerais ça, là. Imagine Carson, Piqué Subban, Roman Yossi. Oh! Fait que ça veut dire qu'ils peuvent se départir de Ellis puis de... c'est quoi l'autre, là? Mathias Ekholm. Ekholm, ouais. Ouais. Puis, tu sais, avec un big three de même, là, ils vont faire 45 minutes de 45-50 minutes de la game, ça lasse les trois ensemble, le reste, on n'en parle plus, là. Ben, c'est parce que c'est trois gars qui peuvent jouer entre 25 puis 30 minutes, puis qui peuvent aller chercher 50-60 points. T'es en voiture, sincèrement. Ouais, watch out. Ah, c'est intéressant. Penses-tu que lundi, date limite des transactions, 26 février, ça va être une grosse journée ou ça va être tranquille? Je pense qu'on va avoir une grosse journée parce que il y a beaucoup de noms qui circulent. Puis, tu sais, McDonough, Carson, Evander Kane, Matt Hoffman, mais Matt Hoffman, oh, en tout cas. Tu sais, il y a des gros noms comme ça qui circulent, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Puis j'ai hâte de voir ce que les Golden Knights vont faire. Est-ce qu'ils vont décider de demeurer comme ça, puis garder leur équipe comme ça, ou ils vont aller chercher un petit surplus? Là, tu sais, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui va se passer avec Jim Van Riemsdyk? Il y a plusieurs rumeurs qui roulent à son égard. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui. J'ai l'impression qu'il va demeurer à Toronto, mais bon, son nom circule dans les rumeurs lui aussi. Bref, je m'attends à une belle journée. J'ai hâte de voir la boue dans le toupette que j'aurai à ce moment-là, mais je m'attends à quelque chose de gros. Merci, Jeff, pour ton temps. Ça me fait plaisir, hey, les boys. Moi, je pensais à un vin, un fit, faut que je rappe de quoi d'intéressant. Ah non, on est parti, hein? Ouais, c'est tu sais, quand on part, moi, je suis un gars qui aime faire du coq à l'onde, tu sais, je suis comme ça, puis je savais que ça allait prendre plus que 15 minutes. Eh oui, je sais. Écoute, Jeff, on se refait un rendez-vous pour parler des Caps. Je te libère, va te reposer, puis aiguise ton clavier parce que ça va y aller dans les prochains jours. Excellent, on se reparle plus tard, les boys, merci beaucoup. Salut, Jeff. Ciao. C'était Jeff. Salut. Du danslescoulisses.com qui est avec nous. Un gros merci à lui d'être venu sur le show. Jerry, on va poursuivre, nous autres. T'avais-tu une couple de sujets que tu voulais qu'on aborde ensemble? Hey, je pensais vraiment pas que Jeff allait me donner 45 minutes. J'étais là comme Jerry, c'est correct, il parlera moins, là. Il va revenir plus tard. Puis là, ça continuait. Puis là, je sentais que Jeff était là. Là, ça était en tête. OK, on va en profiter. C'est bon. Non, mais c'est bien correct pour vrai parce que j'étais un auditeur live et j'ai vraiment apprécié. Puis, je veux dire, j'aurais voulu faire comme toi et rajouter quelque chose, mais tout ce qu'il dit, c'est tellement plein de sens, c'est tellement logique. Puis ça va tout être vrai. Là, je veux dire, autant le fait qu'il a parlé de Plekanec, on en a parlé au dernier show, qu'il allait re-signer un contrat, puis moi tout, je suis certain. Tu sais, qu'il n'y aura pas de grand mouvement avec les Canadiens. Tu sais, les rumeurs que Larac a apportées, comme quoi que Bergevin serait vraiment lié, des mains liées, qu'il ne peut pas faire grand-chose. T'sais. Jeff est quand même un peu, il est très, très dans le domaine. Fait qu'on est obligé vraiment de se fier à ce qu'il dit. Puis, non, pour vrai, c'était super intéressant. Puis, vraiment un gros merci à lui d'être passé. J'ai trippé. j'ai juste écouté puis je trippais. Yes. Puis tu sais, Jeff, tu sais, il l'a mentionné, ça fait longtemps qu'on se connaît puis qu'on jase de hockey. Je suis quelqu'un qui, ça fait longtemps que je prône l'avenue du tankage puis de la reconstruction complète. Et là, de voir que, tu sais, il était hermétique à ça, là. Puis là, de voir que, OK, ouais, finalement, c'est peut-être ça la recette pour atteindre le succès. Je trouve ça le fun, tu sais, de le voir pencher de mon bord parce que il y en a gagné des batailles dans des argumentaires que c'est lui finalement qui avait raison. Puis là, de voir que moi, je suis en train d'en gagner une, j'aime ça. Je suis content, ça flatte mon orgueil. Ah, mais c'est cool. Puis en même temps aussi, je pense que, comment je pourrais dire, la mentalité de beaucoup de fans du Canadien commence à aussi pencher vers ça. Tu sais, c'est pas normal de voir nos Canadiens aussi bas de. Tu sais, avec l'histoire qu'ils ont, on veut les voir plus haut que ça. Puis, tu sais, comme Jeff dit, ça fait comme environ 20 ans qu'on n'a pas de centre numéro 1. Tu sais, faut vraiment qu'il se passe de quoi. Puis, tu sais, comme j'arrête pas de le dire, je veux un changement de mentalité. Puis, je pense que c'est ça que ça va prendre le plus possible pour changer cette culture-là que Shaw est censé apporter. Là. Ouais. Mais, tu sais, c'est. Je sais pas, j'ai vraiment le goût, là, comme tu as dit tantôt, de faire un gros virage 180 puis de changer ça. Puis, je voulais laisser beaucoup la parole à Jeff, fait que j'ai comme pas. Je voulais, il y a une couple de questions que je voulais répondre. Là. Moi, Claude Julien, là, celle-là, je voulais réagir. Ah oui, vas-y, vas-y. Si on change, on enlève Bergevin, là, je scrape tout. Au complet. C'est pas dans ta argent, hein? C'est quand même 20 millions de contrats qui restent sur les 4 prochaines saisons. Ben, ça va coûter cher de scouting, c'est tout. Je m'en fous pour vrai. Mais, tu sais, comme je mentionnais, en plus, c'est que la défensive est barrée. L'attaque, tu sais, c'est barré aussi, là. Il y a pas grand changement que tu peux faire, puis l'intérêt pour les joueurs, on va se le dire, là, est pas énorme, là. Puis je sais que. Jonathan Turcot sur notre Facebook mentionnait ça, là, c'est un commentaire qui nous a écrit. Il dit, tu sais, toute la saison, les joueurs sont pas assez bons pour le Canadien de Montréal, mais là, à date limite des transactions, faudrait qu'on ramasse la lune pour ces joueurs-là, tu sais. Il y a pas de logique, ça fait pas de sens, puis les gens oublient trop souvent de regarder de l'autre côté, dans ouais. L'autre club, voir si la transaction fait du sens, mais il y a tellement raison, là, c'est puis moi, je l'ai taquiné en disant, hey, t'es-tu fâché après nous autres? Parce que, tu sais, on le fait, nous autres aussi. Là, on a le goût d'en jaser, puis on a le goût d'avoir du fun, puis on extrapole. Mais oui, il y a Max Pacioretty qui a une valeur, mais c'est pas mal ça, là. Le reste, là, à moins que tu mettes Weber puis Price sur le marché, que là, tu vas pouvoir ramasser à la lune, il n'y a pas rien qui va t'amener quelque chose que de grande valeur, là. David Schlemko, là, t'auras rien, là. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, c'est drôle parce que. La petite nuance qu'il va voir, c'est drôle que Price et Weber soient blessés 4 jours avant la date limite. Mais sont-ils blessés parce que le Canadien ne veut pas gagner, puis là, ça donne mal. Ils sont en train de gagner contre les Rangers 2-0 ce soir, en ce 22 février. Ça donne bien mal pour ça. Sinon, écoute, si Price a vraiment une commotion cérébrale, puis je pense pas que le Canadien mentirait en utilisant cette excuse-là, mais là, le surveillant de la Ligue nationale neutre, là, comment ça qu'il a pas fait le protocole? Ben, après le shot de Cotibert, ben je comprends pas. Puis la blessure à Weber, là, tu sais, tout le monde, là, dans les médias, on mentionnait le fait que ça devait être un tir bloqué. Puis le commentaire qui est sorti, je pense que c'est Sylvain qui mentionnait ça sur les réseaux sociaux. Moi, je recevoir une puck sur une bottine, je n'ai jamais vu un tendon se déchirer de même. Là. Fait que c'est encore cool. Le fameux omerta du Canadien, puis cette mentalité-là de rien dévoiler. Ça marche pas, là. Il y a 2 ans, quand c'était Price, c'était n'importe quoi, là. C'était une blessure mineure qui s'est ramassée, qui a pas rejoué de la saison. Puis là, Weber, c'était censé être mineur, puis il va manquer le restant de la saison. C'est quoi cette gestion-là? Ouais, puis tu sais, c'est con parce que j'ai vu justement, tu sais, Price qui a été annoncé qu'il avait une commotion cérébrale. Puis là, il y a du monde qui dit « Ah, enfin, de la transparence du Canadien, tu sais, qui nous dévoile. » Mais non, mais il a eu mangé 2 shots, ça à tête. On n'est pas cave, là. Tu sais, je veux dire, s'il est blessé, c'est clairement relié à la tête. Là. Il va pas être blessé pour coupure à l'oreille. Tu sais, je veux dire, c'est une commotion cérébrale, c'est certain. Je veux dire, c'est pas de la transparence. Là. Ils font juste « Ouais, on les prend des caves, mais des fois, faut pas trop en mettre. » C'est juste ça, pour vrai. Bref, c'est... Ouais. Ah, c'est ça. C'est le fait que le Canadien s'est barré. Puis la défensive va être là l'an prochain. Là. Ouais. On a échangé le meilleur des moins bons, tu sais, en Yerjabek. Après ça, c'était pas mal ça, là, les seules options. Là. Penses-tu, sincèrement, Morrow, il n'y a personne qui veut ça. Schlemko, il n'y a personne qui veut ça. Osner, jamais de la vie. Je pense qu'il fallait que tu payes les clubs. Il y a la possibilité de ramasser du salaire. Là. Mais là, c'est plus que ça. Faut que tu payes le salaire puis tu donnes un bonus là, à l'autre club. Il n'y a personne qui va en vouloir. Là. Non, il n'y aura rien. C'est la même défensive l'an prochain. Non, oh, ouais, non, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a absolument rien qui va se passer. À moins qu'il y ait un nouveau DG et qu'il lui fasse bon, let's go. Je rachète des contrats, je fais des échanges, tu sais, qui gère vraiment ses affaires. Mais sinon, à part ça, pour le moment, là, je vous dis tout de suite, le 26 février, regardez pas l'encours du Canadien. Oui. Regardez ailleurs. J'ai pas regardé pour le draft 2019, là, mais j'espère que le premier choix va être bon, parce que le Canadien va avoir des chances. Là. Le Canadien va courir pour ramasser le premier choix l'an prochain. Là. Mm-hmm. J'en serais zéro surpris. Là. Puis, en fait, tu sais, je le sais là, que là, cette année, on a de la grogne, puis que le Canadien ne performe pas. Moi, c'est même pas le temps le fait que le Canadien se batte pour le premier choix et soit hors des séries qui est pour moi un problème. C'est que c'est censé être un club qui est à maturité. C'est censé être un club qui est bâti là, à la fin du plan de 5 ans. Pour atteindre la Coupe Stanley. Parce que la transaction de Weber, c'est pour ça qu'on nous a dit que c'est une bonne transaction. Ça nous rapprochait de la Coupe. La transaction pour Drouin, ça nous supposément donnait un premier centre. Ce qui n'est pas arrivé pour, en plus, un joueur plus jeune. Notre meilleur asset, c'était pour nous rapprocher de la Coupe. De voir cette équipe-là s'effondrer à ce point-là, c'est ça le problème. C'est de perdre avec une équipe qui est censée être optimale pour aller chercher la Coupe Stanley selon le plan de l'organisation. Si le Canadien perdait avec un alignement débâti, là, dénué de talent, il n'y a personne qui chialerait. Si le Canadien perdait avec que des jeunes, puis qu'on se disait « Ah, écoute, ça va être un autre prospect de plus, puis l'an prochain, ils vont tout être meilleurs, puis ça va aller en s'améliorant. » Pas de problème, on accepterait. Si on perdait dans ces situations-là, il n'y a personne qui chialerait. Mais là, tu as une défensive, comme je disais tantôt, à part Mété, il n'y en a pas un qui est en bas de 30 ans. S'ils sont pas à leur maximum, je sais pas où est-ce qu'ils sont supposés être. Là. C'est ça qui est choquant. C'est de voir ce club-là qui est censé être prêt pour la Coupe en être aussi loin. Ça démontre à quel point l'évaluation que les dirigeants ont fait de l'organisation est déficiente et loin de la réalité moderne du hockey d'aujourd'hui en 2018. Bergevin essaie de construire son club comme qu'il aurait construit son club en 2000. C'est une grosse équipe qui veut, qui patine pas, puis qui frappe tout le monde. C'est malheureusement plus ça en 2018. Mais on va voir ce qui va arriver. Mais comme je vous dis, il n'y aura rien dans le cours du Canadien qui va se passer. Là. Puis à la limite, là, s'il se passe de quoi, ça va être une belle surprise. Mais sinon, bref, c'est... J'ai hâte de voir, par exemple, ce qui va se passer ailleurs. Puis je me demande, tu sais, comme Jeff qui dit que ça va vraiment bouger, qu'il y a un feeling que ça va vraiment bouger, que grosse journée. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il dit... qui va avoir des gros trades, mais pas de joueurs de location. Ça, pour moi, je pense que ça va donner une très belle journée si c'est ça qui va se passer. Parce que les joueurs de location, là, c'est. Oui, c'est le. On va avoir le même feeling que le trade Faneuf contre Gaboric. Là. Tout, c'est, quand j'ai vu ça, je. Eh ben, un trade, c'est pas la grosse affaire. Ouais. Mais tu sais, s'il y a des gros trades, là. Je sais pas, exemple, les Oilers d'Edmonton qui échangent. Luchik, mettons. Ouais, Blockbuster Trade puis Luchik, c'est pas non, tant. C'est ça. Mais mettons Carlson déménage à Nashville, là. Tu sais, de quoi ouais, de big ouais, de même. Ça serait drôle. Parce que là, on parle quand même, là, c'est Pierre Lebrun qui mentionne que c'est autour de 50% de probabilité que ça se réalise, ça, là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il donnerait pour Carson? Ben, c'est ça, Ryan Ellis, Ekholm, puis des prospects, là. Ça peut faire du sens, là. Comme on disait, c'est un top 3 avec Yosi, Subban puis Carlson. T'es pas inquiet, là. T'as à peu près 45 à 50 minutes de jeu de combler là, en défensive. Là. Ouais, non, ça c'est sûr, mais en même temps, le contrat de Carson vient à échéance à la fin de l'année. Non, l'autre année d'après. Ah, ok, ouais, c'est pas, je pensais qu'il finissait à la fin de l'année. Il me semble que c'est intense de vouloir donner tellement pour un joueur que tu n'auras peut-être même pas à la fin de l'année. Non, c'est comme Pacho, il tombe UFA la ouais, même année. Ouais, ok. Mais non, c'est pour vrai, si ça arrive, Nashville va juste être dominant. Tu sais, ils vont avoir une défensive qui donne de l'offensive. Puis c'est un move à court terme, par exemple. Ça, c'en est un. Tu dis ouais, si cette année ou l'an prochain, et tu as tous les éléments prêts. Le Canadien de Montréal de faire le move sous Ben Weber, est-ce que vraiment cette formation-là, à ce moment-là, était à un Weber près d'avoir une coupe? Pense pas, là. Il n'y avait pas de joueur de centre. J'espère que au moins tu vas aller te ramasser un joueur de centre. Parce que si te manque un défenseur numéro 1 à la Weber, puis te manque un centre numéro 1 à la Nimitz, là, puis tu penses que tu es prêt pour la coupe, c'est parce que t'as pas compris que c'était ça les morceaux que ça te prenait, là. Ouais. Je sais pas, l'évaluation. Puis regarde, la réalité nous a prouvé que finalement, j'ai pas tellement tort, là. Le Canadien était pas proche de la coupe. Puis il est encore plus loin aujourd'hui. On a reculé avec ces transactions-là. Une équipe qui est prête pour la coupe, là, ça ressemble à Nashville. Ben oui. Une équipe qui est prête pour la coupe, ça ressemble à Tampa Bay. Prenez les effectifs de ces deux équipes-là là, et comparez avec les Canadiens. Puis vous allez voir à quel point le Canadien n'est pas prêt d'une coupe cette année. C'est con, mais c'est en ouvrant les yeux justement sur les autres clubs comme ça qu'on fait « Hi! » Il me semble qu'on fait dur, là, pour vrai. Là. Puis ça passe par la construction. Puis je suis vraiment content que de plus en plus les yeux s'ouvrent là-dessus. Puis que ça commence à être accepté, puis de plus en plus parlé. Il y a encore beaucoup de monde qui ont de l'espoir. Ça, je comprends un peu moins, par exemple. Mais non, j'ai vraiment cool. Mais vite comme ça, là, justement, le trade deadline s'en vient. Va sûrement avoir beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont être transférés. J'espère, parce que sinon, ça va être une journée plate. Toi, dans le fond, là, je sais qu'on vient de parler un peu de Carson, mais je sais pas si, dans ton optique à toi, il fait partie d'un top. Je voulais, dans le fond, qu'on nomme un top 3 de nos joueurs qu'on pense qu'ils vont bouger, assurément, dans le fond. Mm-hmm. Le 26 février ou le 25, ou un peu avant, dans le fond, d'ici au 26. OK. Les trois plus gros ou vraiment nos guests? Là? Ben, ça peut être les trois plus gros guests, on va dire ça comme ça. Vraiment, des joueurs qui vont changer. T'sais, mettons un exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est Carson. Carson arrive avec Nashville, ça va changer l'équipe au plus grand complet. Ouais, ouais. Cette équipe-là est contender du jour au lendemain. Mais les chances que ça arrive sont comme plus basses. Fait que on s'entend que... Oui. Ouais, OK. Ben, c'est sûr que là, en plus, Nash et Grabner ont été laissés de côté. Ils sont pas blessés. Fait qu'il y a une volonté qu'ils se blessent pas. Je pense que ces deux-là vont bouger. Mais c'est comme... C'est quasiment de la certitude. Ils attendent juste d'avoir le prix qu'ils veulent. Moi, je pense que Plekanec va bouger. Je sais que Jeff a dit que non. Je pense que le Canadien de Montréal doit accepter n'importe quelle offre qu'il reçoit pour Plekanec. T'attends là, jusqu'à limite, au cas que quelqu'un pop un prix qui n'a pas de bon sens et qui est à ton avantage, mais un troisième choix, je fais le trade. Un 4, ah oui. Je le fais. T'sais. Un 5, un 7. Je le fais, OK? Parce que je le veux plus, mais ça, c'est moi. Après ça, je pense que Evander Kane va bouger. Et je pense que McDonough va bouger aussi. Ouais. Ben, j'avais bien aimé quand McDonough, quand Jeff Drouin, en fait, avait mentionné que McDonough à Tampa Bay, ça pourrait être un bon fit. Puis c'est sûr que c'est le genre de move que si le move de Carson se fait, Tampa n'a juste pas le choix de faire un move comme ça. Ou moi, j'avais pensé à Mike Green, qui est aussi un nom, c'est sûr que c'est plus un joueur de location, mais quand même, un nom qui a sorti beaucoup, qui a eu un très bon début de saison. Puis je pense qu'avec un club comme Tampa Bay, Green pourrait s'avérer beaucoup plus efficace qu'il a à Détroit. Parce qu'on va se dire que Détroit, c'est pas mal fini. Moi, Mark Green fait partie de mon top 3 de joueurs qui va bouger. Puis, tu sais, toi, tu dis que Plekanec va se faire transférer. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions qui l'envoient à Pittsburgh parce qu'ils veulent de la profondeur au niveau du centre. Moi, je suis pas convaincu. Honnêtement, zéro convaincu. Mais je serais plus convaincu si tu me parlais d'un Tyler Bozak, exemple. Parce que je crois pas qu'il y avait Derek Brassard qui était mentionné aussi. Ouais, mettons, mais ça, j'y crois pas. Là, il... Ouais, non, je pense pas. Mais il demande un choix de première ronde pour Brassard. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pense pas que Pittsburgh va le faire. Non, c'est ça. Ouais. Mais Tyler Bozak, par exemple, je pense pas que Toronto serait assez avare pour aller chercher un choix de première ronde. Quitte à peut-être aller chercher des prospects. Mais c'est parce que Tyler Bozak, je vois pas pourquoi que Toronto l'échangerait. Ils vont être en playoff. Ouais, mais... Tu sais, faut que ça soit un deal hockey. Puis en plus, c'est la même conférence. Je penserais pas que Pittsburgh soit une destination pour Bozak. Je ne penserais pas. Non, mais ouais, peut-être pas, mais quand même. Moi, avec Pittsburgh, je serais plus porté à vouloir aller chercher un Bozak que... un Plekanec, exemple. Ouais. Mais je pense que Bozak va sûrement se faire transférer. Moi, je pense qu'il va se faire transférer, même si Toronto vont en playoff. Moi, j'en reviens avec ce que je parlais sur le dernier show. je pense que c'est avec Sylvain que je parlais de ça. Tu sais, il y a deux joueurs qui peuvent venir changer ta formation, qui sont encore sous contrat pendant un bout de temps, pour la saison prochaine, en fait, et qui vont coûter moins de 10 millions les deux ensemble. Je parle ici de McDonough et de Pacioretty. Et dans les clubs qui font les playoffs en ce moment, t'as les Devils de New Jersey qui prendraient clairement ces deux éléments-là. Est-ce que, sachant que c'est un marché d'acheteurs, qu'il y a très peu de clubs qui sont vendeurs avec beaucoup d'éléments similaires, est-ce que ce club-là pourrait se dire, ben, écoute, si ça coûte pas trop cher, essayons, pourrait ramasser les deux. Les deux, c'est, je l'ai en avant de moi, là. Ils ont l'espace qu'il faut pour l'an prochain. Il y a 19 millions de libres sur le plafond salarial l'an prochain. Et la masse va à peu près monter de 5 millions, semble-t-il. Fait qu'on parle de presque 25 millions. Puis les gars, ensemble, ils en prennent 10. Fait qu'il n'y a pas de trouble, là. Ça fonctionne. Est-ce qu'eux pourraient liquider un premier choix, des choix de deux? Oui, tu sais, c'est le genre de club que c'est une formation qui verrait un bénéfice, pas juste cette année, mais l'an prochain aussi, à faire ce genre de transaction-là. Moi, tu sais, je verrais ça. Est-ce qu'ils sont prêts à dire « on y va là pour aller plus loin » Est-ce qu'ils se considèrent prêts à couper un peu de futur pour tenter leur chance là dans le présent? Je le sais pas, mais ça fitterait. Ça vient changer le visage de l'équipe quand même assez solide. Là. Oui, puis en plus, je pense même que ce move-là pourrait s'appliquer sur d'autres équipes. Ben, je me limitais aux clubs qui sont en série en ce moment, là, acheteurs, non, mais... et qui ont de l'espace sur le plafond salarial. Il y a Vegas et le New Jersey. Fait que dans les deux cas, sont-ils à court terme? Je ne sais pas jusqu'à quel point. Et dans les deux cas, ils ont l'espace cette année et l'an prochain pour ramasser les deux gars. T'sais, c'est le genre de move que je verrais une équipe très agressive faire pour se donner une chance pour la Coupe. J'avoue. Non, c'est des très bons choix. Mais en même temps, moi, c'est Vegas. Parce que tu as mentionné Vegas pour les deux joueurs. Je me demande, moi, à quel point, puis j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte. Ça, je pense pas que... Je pense pas qu'ils vont bouger tant que ça, mais en même temps, tu sais, il y a deux façons de le voir. Soit ils se disent, on a un club là qui est numéro un en ce moment, qui se bat pour le premier rang de la Ligue nationale. On devrait donner une chance à ces joueurs-là. On peut espérer que dans le futur, on va accoter ça et qu'on va être plus peut-être padé pour la Coupe Stanley pour plusieurs saisons, mais on a une chance. Est-ce qu'on l'essaye là ou on se dit, cette année... Il y a plusieurs joueurs qui, par frustration, pour prouver à leurs anciens clubs qu'ils auraient dû les garder, name it, là, x, y raison, ce club-là s'est unifié d'une façon exponentielle, ça a décuplé les bonnes performances et ils jouent sur la tête et l'an prochain ne seront pas en mesure de répéter ça. soit parce que les joueurs vont partir en tant que UFA, soit parce qu'ils vont demander trop cher parce qu'ils vont avoir une bonne saison. Name it, là, il y a plein de raisons potentielles qui feraient que le club l'an prochain serait plus le même. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier du futur pour un club qui va être vraiment moins bon l'an prochain? Fait que il y a comme ces deux visions-là. Tu tentes la chance ou tu penses qu'ils vont dropper. Puis si tu penses qu'ils vont dropper, vends pendant que les joueurs ont un maximum de valeur. Mais tu sais. Ouais, ben non. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est pour ça aussi que je me demande si James Neal serait disponible. Tu sais, toi, là, ton club est au premier rang. Là. T'es un partisan là, de Vegas. Là. Puis là, t'es voué vendre James Neal. Ça t'envoie quoi comme message? Ben, je sais pas à quel point, vu que c'est un club d'expansion. Tu sais, je veux dire, moi, Nashville ferait sûr, je pense, je serais comme, OK, je comprends pas ce qui se passe, tu sais, mais Vegas, qui, tu sais, comme, James Neal va-tu re-signer l'année prochaine là-bas, là? Ben, c'est ça, je sais pas, tu sais. On sait pas, tu sais. Fait que, est-ce que tu prends la chance de l'échanger, puis faire, ouais, regarde, c'est parce que faut qu'on pense au futur, tu sais. Cette année, on sait pas trop ce qui se passe, mais ça marche, mais l'année prochaine, ça marchera peut-être pas. Tu sais, je sais pas c'est quoi les discussions qu'il y a dans les bureaux avec McPhee et tous les propriétaires, là, mais c'est sûr que le message est pas nice. Là. Je veux dire, tu tripes sur l'équipe, puis pour elle, l'engouement est vraiment là à Vegas, fait que c'est ça qui est plaisant. Puis là, tu verrais comme James Neal. C'est comme je te dirais, James Neal se fait échanger, on va échanger aussi David Perron parce que tu sais, il est un petit peu plus vieux. Il y a un club qui nous donne la lune pour Marc-André Fleury, mais on l'échange. C'est comme genre, what? Qu'est-ce qui se passe? On est premier dans la ligue, on s'en va en série, puis tu sais, t'as besoin de ces joueurs-là. Tu sais, Marc-André Fleury, il est quand même clutch en playoff. Mm-hmm. Tu sais, t'as besoin de ces genres de joueurs-là. Là. Fait que c'est sûr que le message serait négatif fois mille, mais ça serait pas dénué de logique, genre, qu'il le fasse. Parce que, justement, c'est une équipe d'expansion, ça a besoin de reconstruire, mais de construire, en fait, tu sais. Tu sais, il y a des bons jeunes qui pop là, là-bas avec eux cette année. William Carson, là, l'année passée, il y a personne qui savait c'était qui, tu sais. C'est des trucs comme ça. Fait que est-ce que tu vas chercher des éléments pour construire le futur pour aller chercher plusieurs coupes ou tu dis, hey, ben, tabarouette, j'ai une chance cette année, let's go, tu sais. Je sais pas, tu sais. Je sais, mais c'est ça. Je le sais pas non plus. Situation très particulière à Vegas, honnêtement. Ouais, là. Tout à fait. Puis, je pense pas qu'ils s'attendaient à être à ce niveau-là. Non, non, pour vrai. S'il y a un gars qui a bêté là-dessus en début de saison et qui allait finir premier, puis qu'il y a une chance pour la Coupe Stanley, là, ben, bravo, man, pour vrai. Le Canadien, avec. Tu reviens sur la réalité du plancher des vaches, avec les blessures à Weber et à Price, et l'échange en plus de Yarabek, ça a libéré une place en défensive. Hjulsen a été rappelé et Lindgren, le jeune gardien de but, ont été rappelés hier. Lindgren et le second à Niemi, qui est en train de blanchir la formation des Rangers. Le match est toujours à 2-0 là, au moment où est-ce qu'on se parle. En milieu de troisième. En défensive, Hjulsen, jusqu'à maintenant, est l'avant-dernier défenseur en termes d'utilisation, avec 13 minutes. Ah, tu me niaises. Le seul qui a moins de temps de jeu. Mettez-je? Non, Alsner. Ah non. Oh, ben, au moins c'est positif. Mais t'étais pas loin. Alsner a 13 minutes 51. Devine qui est le deuxième défenseur le plus utilisé. Parce que le premier, c'est Petrie, on s'entend. Là. C'est pas du tout. Le deuxième plus utilisé. Mettez. Non, je vais te dire qu'il est à 13,51 juste avant Jolson. Je pensais que 13 minutes 51, c'était le temps d'Alsner. Non. Okay. Morrow, c'est clair que c'est Morrow, genre c'est. Tout à fait. Avec 17 minutes. Quoi. Fait que t'as Petrie qui est à presque 19 en ce moment. Morrow qui est à 17, puis après ça, ça drop autour de 13 pour tous les autres défenseurs. Ah ouais, mais tu sais, Joe Morrow, il y a un crise de slap shot. Là. On va se le dire là. Tabarnak! Clairement pour ça qu'il y a 17 minutes, là. Non, mais ça là, j'avais toujours dit. Sérieusement, j'avais défendu une fois cette année Joe Morrow, puis mon ami m'a pas arrêté de m'en parler là. Je referais plus ça, là. Mais. Joe Morrow, là. Je suis pas raciste, mais. Non, mais. Je suis pas un pro Morrow, mais. Joe Morrow, là, il est à Montréal à cause de Claude Julien. Mais oui, c'est ça, tu sais. C'est un ancien de Boston, il a vu de quoi dedans. C'est son chouchou. ça n'a pas de sens pour elle. J'en viens pas que Mettre a moins de temps que Jeff Petrie. Tu sais, Jeff Petrie, à la limite, je suis capable de le prendre. Moi, je veux dire, oui, c'est ça. Ça, c'est correct. C'est un vétéran, puis tu sais, Weber n'est pas là, fait que c'est lui qui va prendre la place, mais... Mais tu sais, Joe Morrow. Petrie, Mettre, Yulson, en ordre, là, devraient être les plus de temps de la. Mais Yulson, hey, tu profites du fait que le gars vient de se faire monter dans le club, là, tu vas dire, hey, tu vas jouer à soi. Tu vas jouer à soi. Là, ça, c'est clairement une tactique, genre, de jouer safe. Tu vas 22-0 contre les Rangers, oh, tu vas jouer safe. Tu vas pas jouer, genre. Ouais, tu vas te piler sa langue tellement tu vas avoir vu du temps de glace puis tu vas être brûlé, mais on va te faire jouer. Je comprends pas, man. Puis c'est exactement pour ça le fait que t'as parlé, c'est fait mettre dehors de Boston parce qu'il faisait pas jouer assez les jeunes et qu'il fait la même chose dans une situation où il devrait le faire. Leur donner confiance de prendre les reins, à la limite, ou à moins qu'ils se disent hey, je ferai pas jouer mes jeunes parce qu'on va gagner, tu sais. Mais je comprends pas ce que le Canadien s'en va. On dirait que tu sais, comme Jeff disait tantôt, là, on commence à être déconnecté du Canadien. Là. Moi, j'ai hâte que la saison finisse. En fait, j'ai hâte aux playoffs pour voir si les Maple Leafs vont aller aussi loin. Et j'ai hâte à l'été. J'ai hâte de voir ce qui va se passer aussi dans la Ligue nationale quand même, mais on dirait que j'ai hâte à l'année prochaine puis que voir si la mentalité va changer, si ils vont faire jouer les jeunes, si... T'sais, j'ai hâte au futur en espérant qu'il soit plus rose qu'il l'est là. Mm-hmm. Je suis sur le site web Tankathon, qui est un simulateur d'ordre de repêchage. Puis, tu sais, le Canadien, là, mettons là, que c'est pas eux autres qui gagnent la loterie, peuvent descendre aussi loin que le 7e rang. Tu sais, dans une saison aussi pénible que ça, là, les petites victoires qu'on va chercher ici et là, comme là, on est en train de gagner contre les Rangers. Là. T'imagines-tu cette saison-là, là, historiquement aussi, poche et désagréable à regarder, va t'offrir le 7e choix. C'est décourageant. Mm-hmm. Si tu maximises pas la défaite à cause des probabilités puis de la loterie, puis je le sais, là, les médias ils vont tous vous dire « Ouais, mais la loterie, là, tu décides pas, là. » C'est pas parce que tu finis dernier que tu vas repêcher premier. Oui, c'est vrai. Mais tu peux t'aider. Mais tu peux t'aider. Tu augmentes tes chances, tu augmentes tes probabilités. Tu sais, repêcher 7e après une saison comme celle-là. Puis, regarde, le Canadien, là, je le sais que c'est une partie de hasard, puis j'ai hâte de voir la loterie, là, mais je serais tellement pas surpris qu'on se ramasse à reculer, pas à reculer. Puis là, ça va donner de la viande aux médias de ben, finir loin, ça donne rien. Checker qu'est-ce que ça donne. Puis là, ben, mettons, finir loin, là, ça donne des Galchenyuk. Quand c'est le temps de chialer contre la loterie puis les repêchages, on sort toujours les exemples comme ça. Ah, check, c'est Mettre. Pas Mettre, c'est Galchenyuk. Ça assure rien. Non, mais Gatchin qui est bon. Si tu jouerais au centre, ça serait bon. Oui, puis il est le deuxième meilleur attaquant de sa QV. C'est pas si mauvais que ça. Là. C'est l'année de repêchage, le problème. Pas le joueur en tant que tel. Là. Ah, moi, je persiste à dire que c'est un des meilleurs joueurs de l'année, de cette année-là. Oui, c'est le deuxième meilleur attaquant. Bon, fait que le monde. Ça, faudrait que le monde le voie et que c'est le deuxième meilleur attaquant. Pourquoi que les médias en parlent pas là-dessus? Ben, c'est vrai, regarde. Fouille-moi, parce que c'est pas le message que le Canadien veut. Regarde, je ne sais plus. Je ne le sais plus. L'autre jour, j'écoutais l'antichambre et c'est PJ Stock qui critiquait le Canadien à dire « Ouais, mais tu sais, Galchenyuk, le meilleur début de saison de l'histoire du Canadien, c'était lui le premier centre. Pourquoi qu'on lui redonne pas une chance? » Puis là, toutes les raisons étaient bonnes pour changer le sujet puis dévier. Puis il lâchait pas le morceau. J'étais comme « Yeah! Enfin, un qui s'essaye! » Mais oublie ça, là. C'est le message dans les médias montréalais est tellement contrôlé. Puis Jestock, c'est parce qu'il n'a pas besoin d'RDS. Hein. Il va aller en anglais, il va aller en français, il va aller name it, là, tu sais. Il peut se promener, il n'y a pas trop de troubles. Puis en anglais, par exemple, sont vraiment plus on rentre dedans là, qu'en français. Mm-hmm. J'en ai écouté des fois, puis ils ne mangent pas leurs mots. Ils disent que... Le dernier, je pense, qui est vraiment comme pété sa coche, c'est Michel Bergeron. Puis pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Fait que, mais sinon, en général, en français, c'est assez rare que ça va planter autant de Canadiens. Là, il y a Michel Langevin là, du 91.9 là, qui, cette semaine, je pense que c'est même ce matin, parlait à la radio que, selon lui, le Canadien est en train de tanker. Puis là, je suis tellement tanné que tout le monde parle de tankage, que les gens utilisent pas ce terme-là de la bonne façon. Là. Perdre une saison dans le vide de même, c'est pas tanker. Tanker, c'est de tasser des éléments de valeur pour aller chercher des effectifs, des assets pour le futur et faire grandir ton club tout ensemble. Finir dans la cave une saison pour essayer de remonter puis faire les séries l'année d'après, ce n'est pas tanker. Non, c'est pas juste parce que tu vas chercher Dalin que t'as tanké. Ah oui. Fait que t'as cherché Dalin puis le premier l'année prochaine. Le premier l'autre d'après, puis peut-être que là, si t'es capable de mettre les éléments en place, ça va être bon. Tanker, c'est minimum 3 ans dans la cave. Mm-hmm. Hey, on a une couple de questions du public, à moins que tu avais d'autres choses. Non, on peut sauter là-dessus parce que je pense qu'on va parler encore pas mal. Oui, hein. Il y a Stéphane Galland qui nous demande, est-ce que Bergevin a le feu vert de la part de Molson pour faire des grosses transactions, exemple Pacioretty, Galchenyuk, tout ça, ou c'est un stop puis il peut pas faire de transactions. Je l'ai demandé à Drouin, mais je veux avoir ton avis et opinion, c'est notre avignon. Fait que je veux savoir ce que tu en penses. Ben, honnêtement, j'en pense qu'il devrait avoir les mains liées. J'aimerais qu'il ait les mains liées parce que il se fait mettre dehors à la fin de l'année. Puis que ce DG-là mette l'équipe à sa main. Donc, qu'il ait les éléments pour pouvoir transiger. Tu sais, comme Patchery, selon moi, je pense qu'il peut avoir une bonne valeur parce que on va se dire, il n'a jamais joué avec un vrai premier centre. Si quelqu'un est capable de le vendre comme du monde, ça peut donner de quoi de bon. Puis j'ai peur que Bergevin soit comme, je sais pas, pas stressé, mais qu'il fasse des moves trop vite pour rien, genre. Fait que j'aimerais qu'il ait les mains liées. Je sais pas à quel point il peut avoir les mains liées. Surtout que Jeff, tantôt, nous en a parlé, puis qu'il a dit qu'il y a rien qui mène à ça, puis que les médias sont comme, il y en a un qui dit oui, l'autre dit non. Fait que l'information est comme pas assez claire. Mais j'aimerais ça. Moi, j'ai hâte de voir. Je suis comme ambivalent parce que l'été, c'est vrai que tu as tous les clubs qui peuvent être intéressés par un joueur. N'importe quel club est comme dans une position où est-ce qu'ils peuvent espérer gagner la coupe, là, même si c'est illusoire dans bien des cas. Mais de l'autre côté, tu n'as pas autant de surenchère, je crois, qu'à la date limite des transactions. Où est-ce que là, tu as des clubs qui voient le gain étant accessible, une coupe étant plus tangible, et qui se disent, ben, si c'est pas moi qui les remords, c'est peut-être mon adversaire direct. Fait que je suis prêt à augmenter la valeur de ce que je vais donner pour le récupérer. Fait que, tu sais, il y a comme les deux situations. Et ça, ça fait en sorte que si tu menottes Bergevin pour là, peut-être que tu limites ce que tu peux aller chercher en retour dans une transaction. Ouais. Et si tu le menottes pas, tu lui donnes le feu vert, peut-être qu'il va faire d'autres décisions de marde. Fait que dans les deux cas, je pense que le Canadien est dans le trouble. Ouais, mais moi, c'est parce que j'ai vraiment peur qu'il change comme Patchery pour un centre, mais que ça va être genre un centre de premier trio, voilà 10 ans, que là, c'est rendu un centre de deuxième, troisième trio, puis genre, à rien d'autre. Là. Ouais. Non, tu sais, de faire un pour son un, genre. Puis... Ouais, c'est sûr, faudrait... Tu sais, que t'as cherché un genre de centre, là, exemple... Robert Thomas, mettons, là, juste ça comme ça, parce qu'il est plus jeune et que c'est un prospect, puis que tu vas te chercher comme un autre prospect avec un choix de ronde, il me semble que je serais comme, ah, ok, tu sais, oui, c'est correct. Tu sais, on sait pas ce que ça va donner, mais au moins, t'as eu plus, tu sais. C'est le nombre d'éléments. Tu sais, comme le trade de Weber, Subban, sur le coup, je l'ai défendu en tabarnane, puis aujourd'hui, force est d'admettre que maudit que je regrette ce trade-là. Là. Tu sais, tu m'aurais donné Weber un choix de deux. Ben, c'est con, on dirait que le choix de deux, je serais comme, ben, au moins, on a peut-être de quoi, tu sais. Mais là, je sais pas, c'est en tout cas. Un pour un, j'aime pas ça. Non, il faut que tu multiplies des assets. Faut que tu fasses en sorte que tu as la possibilité d'avoir plus de retours. Faut que un devienne trois. Faut qu'un devienne quatre. Ouais. Ouais. Alexis Tremblay nous demande, pensez-vous que le Canadien vient de se trouver une excuse avec le fait que Weber et Price sont blessés? Ben en fait, j'ai rajouté Price parce que la question, c'était juste Weber. Ne sera pas de retour avant l'an prochain. Donc, une excuse pour la conférence de presse de fin de saison, là, le bilan. Ah, c'est parce que Weber était blessé. Ça serait de nous prendre pour des caves. Ça serait... S'il l'essayait, là, on est en tabarnak. Pour vrai, si j'entends ça, j'éteins la TV. Direct. Parce que ça va être la même cassette que toutes les années. L'équipe, c'est pas juste Weber. L'équipe, c'est pas juste Price. Il faut que l'équipe, ce soit 4-5 gros éléments qui transportent le reste. C'est... Mais honnêtement, ça va être ça. Je veux dire, je le sais, tu le sais. C'est sûr que ça sort pendant la conférence de presse de la fin de l'année. Si Bergevin dit ça et qu'il n'est pas congédié durant l'été, là, pour vrai, je pense qu'on change l'orientation de la POC. Puis on fait juste des choses, c'est, mettons, les Maple Leafs, parce que t'aimes les Maple Leafs. On fait juste, on couvre les Maple Leafs. À partir de ça va être la Ligue nationale au complet, là, pour vrai, mais on parlera même plus du Canadien. On parle plus du Canadien. Fuck off, regarde, maintenant. Là. Ça va être la même affaire que cette année. Hein. Le seul podcast dans lequel, tu sais, comme dans Harry Potter, là, celui dont on ne peut prononcer le nom, là. c'est ça. Ça va être le Canadien, le club dont on ne peut pas parler. Ben justement, on fait des shows sur d'autres équipes, c'est parce qu'on tente le terrain un peu. Ah ouais, tout à fait, c'est ça. On est en train de scouter nos collaborateurs potentiels pour une version 100% des chats. Ouais, non, c'est... J'ai hâte, par exemple. On dirait que j'ai hâte pas d'être déçu, mais j'ai hâte de voir puis de faire « Ah ben tabarnane, il a pas fait ça pour vrai, tu sais. » De nous lâcher le commentaire que Weber était blessé. Ah, ça serait. Pour vrai, je pense que je vais rire. Ouais. Marc-Antoine Belair qui demande quel sera le premier gros move significatif. Est-ce que ce mouvement sera fait entre quelle équipe? Tu sais, on a parlé de Carson. J'y crois, moi, que ça peut arriver. Ouais, ben, je suis pas mal d'accord. Puis, en fait, même si c'est pas Carson, je pense que c'est Nashville. Je pense que David Paul, il est prêt. Ah, il est prime. Il est là. Ouais, c'est ça. Il est dedans. Puis tu sais, avec la finale de Coupe Stanley de l'année passée, il va vouloir aller chercher le gros trophée. Fait que je serais pas surpris que Nashville aille chercher un gros morceau. C'est Carson, chapeau. Hein, pour lui, ça va améliorer l'équipe. Tu vas te donner un power play monstrueux. Puis tu vas t'ajouter une possibilité d'avoir 4 attaquants. Avec Subban, Carson, ta défensive va être magique, là, je veux dire. Puis Pécoroni qui est en arrière, je veux dire, ça va quand même aider au fait que les défenseurs vont pouvoir aller en avant. Mm-hmm. Oh, oui. Ça serait cool que ce soit ça, le premier gros mouvement. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas que ça va être le gros mouvement, mais quand même. Je suis sûr que Carson va bouger. Bon. On dirait qu'on entend trop parler pour que ce soit... Ouais, il y a pas de fumée sans feu, là. Ouais, c'est ça. Carson, à un moment, il veut sortir de là. Je pense qu'il est tanné d'être là. Je pense qu'il y a aussi la formation d'Ottawa qui se dit « Si je suis pas capable de le signer, moi le perdre pour rien. » Fait que tout se met d'avoir des effectifs en retour. Puis... Ouais. Non, c'est une situation qui va être très, très, très intéressante. Puis de voir ce que les Rangers vont faire aussi, là, d'avoir annoncé... tu sais, moi, je disais, ben ça baisse pas tant la valeur des éléments de manière séparée. Parce que, tu sais, on s'entend, là, je sais qu'on a discuté, je pense, sur le dernier show. Tu sais, on s'était fait demander là, quel impact que ça a, sa valeur des éléments. Écoute, aujourd'hui, là, les sénateurs d'Ottawa, mettons Matt Carson disponible, que tu l'aies annoncé publiquement ou non, là, les DG, ils le savent. Toutes les DG le savent. Là. Tu veux t'en débarrasser, tout le monde le sait. Il n'y a pas moins de valeur tout d'un coup. Je pense pas que ça vienne affecter. Pis c'est pas parce que tu annonces que l'ensemble du club est disponible que individuellement, chacun perd de la valeur. Je pense pas. Là. Ben, je pense que ça dépend aussi pour certains éléments. Tu sais, je veux dire, Carson, c'est quand même une exception. Tu l'annonces, c'est pas mal sûr que tout le monde va se battre pour l'avoir, tu sais. Fait que là, c'est celui qui paye le plus. Fait que la valeur est là. Mais c'est un peu comme tu dis aussi, l'offre et la demande. Ah oui. Là, je t'offre un top 10 défenseur de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu me donnes pour, tu sais? Je vais le vendre à celui qui me donne le plus, tu sais. Fait que... Ouais. Je pense pas que lui, dans son cas, ça s'applique, ça. Non, c'est ça. Sinon, il y a Dom Renault en dernier lieu qui nous demande, c'est qui les intouchables? Ouais, il n'a pas mentionné, dans le fond, c'était à Montréal dans la ligue, mais je pense qu'on va se concentrer plus à Montréal. Moi, je pense que c'est ceux qui... En fait, c'est que je travaille avec. Je pense que ceux qui parlaient de Montréal en tant que tel. À Montréal, je pense qu'il n'y a... Ben, pas qu'il n'y a pas d'intouchables. Ben, tu sais, il y a Andrew Shaw, si on le sait, mais sinon... Tu sais, quand tu nommes Andrew Shaw comme étant un intouchable... Là. Ouais, mais ça, c'est parce que ça a été mentionné. Je sais pas à quel point il est intouchable pour vrai, mais... Ben, je voyais avec les cassettes faciles. Probablement que Carey Price est intouchable. Joe Drouin est intouchable. Je pense que ça va arrêter là. Je pense que Weber moi, aussi. Là. Ouais, oui, oui, effectivement, mais... Je pense que c'est les trois. Là. Puis, tu sais, Drouin, on s'entend. Là. C'est pas... Ça pas... Non, mais c'est probablement juste pour le trade. Ça n'a pas été une grosse saison. Là. Mais encore là, ah, puis ça, je vais faire une mini-parenthèse parce que j'ai adoré ce segment-là. J'ai vu ça dans mon fil Facebook. C'était en anglais. Ah, je me souviens pas. Je pense que c'était peut-être Sportsnet ou peu importe. Hein. Un gars qui avait demandé à Jonathan Drouin de ce qui se passait, et puis là, il jasait un peu que bon, l'équipe va pas bien, on j'en donne pas assez ici, les gars, on n'en donne pas assez, puis on le sait. Et il y a le commentaire que j'ai le plus adoré, c'est si j'aurais joué à l'aile, ça aurait peut-être été différent. Je sais pas s'il était mal coté, je sais pas c'est tout ça qu'il voulait dire à 100%, mais je trouve ça tellement lourd de sens si c'est vraiment ça. Parce que, comme tu as mentionné, le fait qu'il joue au centre perd son sens offensif parce qu'il veut jouer de bon dans les trois zones, il veut titre défensif, les mises au jeu. Il est plus autant électrisant que Joe Drouin peut l'être. Fait que, tu trouves pas, toi, que c'est hyper lourd de sens le fait qu'il lâche ça comme commentaire? Si j'aurais joué à l'aile, ça aurait été différent. Ben, tu sais, je l'ai dit tantôt avec Jeff, là. C'est... Je pense que au-delà de les résultats sur la glace, au-delà de ça fonctionne ou ça fonctionne pas, lorsque les dirigeants du Canadien ont décidé, Jonathan Drouin va être un joueur de centre. La journée où est-ce que publiquement ils ont dit ça, ils se sont mis dans une position où est-ce qu'il y avait deux options. Soit ils le laissent là toute la saison, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, puis ils vivent avec qu'est-ce qui survient. Soit, en cas que ça fonctionne pas, le déplacent à une autre position. Et dans ce cas-là, c'est d'admettre qu'ils ont tort. Et ça, je pense que la direction du Canadien, Marc Bergevin en tête, n'est pas le genre de personne qui est prêt à admettre ses torts. On dirait que je suis pas capable de comprendre. C'est, pour moi, là, ça, c'est de l'orgueil mal placé. Le pire, c'est qu'admettre que tu as tort, puis moi, personnellement, tu admettrais ça, puis je serais comme, c'est beau. On va vivre avec, man. Je suis capable de comprendre. Merci de... Tu sais, t'as essayé quelque chose, c'est correct. Ça n'a pas fonctionné, tu sais. Mais je sais pas. Là, c'est nourrir d'en face pour eux. C'est... Quand tu dis... si tu veux de la fidélité, achète-toi un chien. Quand tu parles d'un gars qui tombe UFA, que c'est son droit d'aller voir ailleurs. La même semaine que tu réussis pas à t'entendre avec Markov pour des peccadilles, t'es prêt à donner le salaire, mais en bonus versus le safe de, tu sais, de donner le vrai montant. Là, je pense que c'était 2 millions safe ou 1 million avec des bonus. Un affaire de même là, qui s'était jasé. Dans la même semaine, t'es pas capable de t'entendre avec un gars qui a presque 1000 matchs dans ton organisation pour des raisons aussi futiles que quelques milliers de dollars. Futiles pour le contexte de la Ligue nationale, là, on s'entend, là, pas dans la vraie vie. Là, mais tu peux pas dire ces deux affaires-là à une semaine d'écart. Tu peux pas parler de fidélité d'un bar puis critiquer le joueur qui utilise son droit, qui est arrivé ça fait un an, puis de l'autre côté, pas être fidèle envers ton gars que ça fait 10 ans qu'il est là. Ouais, moi je pense que Markov aussi, il est sûrement parti à cause de l'arrogance ou de ouais, l'arrogance de Bergevin. Le gars, là, il a pas fait genre, moi, je m'en vais du Canadien, l'équipe à qui j'ai donné ma carrière au grand complet, pour une raison de même, là, genre, aussi minime. Là, il y a quelque, clairement autre chose. Ben, je pense que le fait de négocier one-on-one, ça a, été, ça a touché son orgueil en tant qu'athlète. Là. Ça, je pense que ça, avoir eu un agent, ça aurait fait une différence. Est-ce que le Canadien... est-ce que Bergevin devait négocier de cette manière-là avec ce joueur-là? Jouer la ligne dure, moi, c'est ça que je questionne puis que je critique. Mais mm-hmm. Tu sais, je continue, là. C'était quand même... c'était une énumération, mon affaire, là. Dire que ta défensive est meilleure, puis de voir les résultats, puis de pas admettre que finalement tu t'es planté, et de dire on va essayer de changer les affaires, c'est de l'orgueil. Parler de fidélité versus pitcher une offre de marde et dérisoire à un vétéran qui est complètement contradictoire d'une situation à l'autre, pour moi, c'est encore une fois une question d'orgueil. Tu peux pas te positionner en situation de j'étais dans l'erreur, voici qu'est-ce qui s'est passé, j'aurais dû faire ça autrement, on va de l'avant. Non, c'était toi qui étais correct dans cette affaire-là. Arriver en conférence de presse, puis nous dire que, mettons que, ah ben c'est les blessures à Price et à Weber cette année qui vont avoir causé le fait que le Canadien n'est pas en série. C'est à nouveau ne pas regarder ton petit nombril et te questionner à savoir si tu as fait les bonnes affaires. C'est parler d'orgueil. Maintenir Drouin à la position de centre, alors que c'est clairement pas un centre, c'est une question d'orgueil. Le fait de tasser Galchenyuk de la position de centre puis dire non, c'est un ailier, alors qu'il a été au centre au moment de l'un des meilleurs départs de l'histoire centenaire du Canadien de Montréal, c'est une question d'orgueil. Il manquait deux joueurs de centre, Dano, Chat et... c'était qui l'autre, le troisième qui était... c'était Drouin. Drouin était blessé. Et tu mets, malgré tout, pas Galchenyuk au centre. Tu préfères mettre Byron qui n'a jamais joué là. Hudon qui commence à faire tranquillement pas vite ses premiers pas dans la Ligue nationale. C'est une question d'orgueil. Moi, je suis brûlé. Je suis tanné de cette organisation-là qui nous prend de haut. Hein? Mm-hmm. Moi, je fais pas des transactions de PlayStation. Quand il a fait son bilan de mi-saison, Marc Bergevin, il a dit un joueur de centre, là, j'ai essayé, pas capable. Puis je pense pas qu'on va être capable de le faire. Tu sais, à un moment donné, si c'est ça ta job, aller chercher un joueur de centre, c'est ça qui manque à ton club, ben tu le fais ou on va trouver quelqu'un d'autre pour faire la job, là. S'il faut que tu donnes pour l'avoir, donne-le. C'est con, là, mais s'il faut que tu donnes un Patchouli pour un char de premier centre, vas-y. Faut que tu donnes Patchouli puis un choix de deux, fais-le. Mais il faut que tu sois sûr de ta shot. Fait. Oui, c'est sûr. Parce que là, tu t'as donné ton meilleur asset pour un ailier. Ta meilleure monnaie d'échange, tu l'as donné pour un ailier au lieu d'un joueur de centre. Ah, mais il y a des équipes, là. Tu sais, c'est pas un bon exemple parce qu'on est rendu plus vieux, là, mais tu sais, quand on a une équipe comme Pittsburgh, là, qui ont genre trois joueurs de centre assez solides, tu sais. Malkin, Crosby, là, je dis, c'est sûr qu'il y en a un là-dedans qui, à un moment donné, va déménager, là. Je le dis à chaque année, mais ça arrivera peut-être pas, mais tu sais, il y a des équipes qui en ont, là, des joueurs de centre, là, où il y a un joueur de centre numéro 2 qui est en progression puis qui va peut-être être un joueur de premier trio. Et ce qu'ils peuvent se permettre d'échanger leur premier joueur de centre, considérant qu'il y en a un plus jeune qui s'en vient bientôt, tu sais. Là, je dis pas d'aller chercher un joueur de 32 ans, mais tu sais, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose à faire, là. Moi, je l'ai déjà dit sur le show, hein, puis je vais me répéter encore. La journée où est-ce que tu dis « Galchenyuk est mon premier centre », et qu'au lieu de magasiner un premier centre et de courir la ligue à dire « Hey, moi, j'ai besoin d'un centre. » Ah oui, t'as besoin d'un premier centre. Catching, paye le gros prix. La journée où est-ce que tu dis « Galchenyuk est mon premier centre et ce que je cherche à la place, c'est un deuxième centre. » Là, tu viens de baisser le prix. Moi, là, je préfère, là, de loin, avoir un club avec deux centres numéro 2 et d'avoir les deux premiers trios qui jouent à peu près le même laps de temps, qui sont capables de faire cette job-là à 6 au lieu d'avoir un premier trio dominant. Je préfère ça de loin. Et des deuxièmes joueurs de centre, il y en a dans la Ligue nationale. C'est pas le même deal que d'aller chercher un premier joueur de centre. Encore une fois, je pense que, puis les médias là-dessus poussent aussi, je pense qu'on surévalue l'importance d'avoir un premier centre. En ce sens que, comme si ça te prenait un trio qui était offensif, ça faisait la job pour tout le reste. En ce moment, le Canadien de Montréal a 8 joueurs qui sont des troisièmes centres. Il n'y a pas de numéro 2 puis il n'y a pas de numéro 1. Bon, on a potentiellement un numéro 2 en Galchenyuk, mais mettons qu'on fait semblant là, que c'est un numéro 1. Après ça, tu cherches un numéro 2, puis tu alternes. Quand il y en a un qui est plus en feu, tu le mets plus souvent, plus de temps de jeu, puis tu alternes. C'est selon. Je comprends pas cette... On se fait une illusion qu'avoir un premier centre, ça va tout régler. C'est une question de talent global dans la formation, selon moi. Si tu augmentes le talent général dans ta ligne de centre, tu viens d'améliorer ta situation. Mais si tu te menottes à dire « ça prend un premier centre, élite », t'en trouveras pas. Ou tu vas te déculoter solide pour en avoir un et tu vas créer tellement de trous ailleurs que tu seras pas meilleur au final. Soit ça, ou tu vas signer agent libre, genre un John Tavares, 75 millions pour 2 ans. Genre. Ben oui, puis tu vas être barré. Tu seras plus capable de rien faire d'autre ailleurs parce que tout ton espace va être dans un talent, un joueur, un dude que s'il est blessé, s'il ne performe pas, il n'est plus là. Puis le cash est utilisé pareil. Ouais. Pis c'est d'ailleurs, cette année, le draft, là, c'est pas un draft de centre. C'est un draft d'ailier et de défenseur. Fait que c'est pas cette année qu'on va régler le problème. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Parce que les Canadiens, comme tu dis, devraient s'en venir encore pour aller dans le bas fond. Fait que... Il y a des chances. Il y a des chances. Jerry. Oui. Ça a fait le tour. Ouais. Hein? C'était ça pour cette semaine. Si les gens veulent te jaser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je peux me retrouver sur Twitter, surtout le 26, parce que je vais être plugué là-dessus à la journée longue, même si je travaille, c'est pas grave. donc, Godbout25, si vous voulez me jaser ou m'envoyer des nouvelles sur « Hey, un trade, rumeur, lâchez-vous là ». Ça, c'est Twitter. Sinon, oui, Twitter, @Godbout25. Et sinon, sur Facebook, Jerry Godbout, venez dans le fond me dire que vous voulez parler de hockey. Je vais vous acheter, il n'y a pas vraiment de trouble. Sinon, toi aussi, on peut t'en trouver sur Internet. Oui, @gangj_b sur Twitter. J'ai bien gagné sur Facebook. D'ailleurs, le Canadien a gagné 2-1 là, contre les Rangers. Juste pour faire sûr qu'au cas où vous ne le sauriez pas. Hein. Sinon, la POC, on est aussi disponible Twitter, Facebook. Cherchez-nous, vous allez nous trouver. Venez jaser avec nous autres, particulièrement sur Facebook. Notre communauté là, grandit de jour en jour et c'est vraiment le fun de discuter avec vous autres. On a des belles discussions, des beaux argumentaires. Tout le monde, même d'accord, pas d'accord, ça se crie pas des noms, ça argumente, c'est intelligent comme propos. J'adore ça. Je veux souligner, tu sais, quand je dis ajoutez-moi sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et Facebook. Si vous nous dites hey, c'est pour parler de hockey, je t'écoute sur la POC, c'est sûr que je vais dire oui. Cette semaine, il y a un dude qui m'a ajouté. Fait que là, OK, ouais, je t'écoute de la POC. Ah, nice, nice, on va pouvoir jaser de hockey. OK. Puis là, je vois son profil. Le gars, il est à Berlin, en Allemagne. Fait que là, j'ai écrit, « Hey, t'es-tu vraiment à Berlin, en Allemagne? » Oh, « Oui, oui, je t'écoute de là-bas. » Nice. Donc, nice. Je veux saluer David Guillet, ou Guillette. G-U-I-L-L-E-T. Fait que Guillet, j'ai l'impression. Donc, David, merci d'être là. T'sais, on avait déjà des auditeurs de la Suisse qui nous écoutaient. Là, on déborde vers l'Allemagne. Bientôt, la Scandinavie, la France, l'Europe, le Japon, name it, le world. J'aime ça. Là, j'ai... Hey, j'ai y a-tu... Je demandais, y a-tu le... as-tu possibilité que tu nous parles de hockey en Allemagne? Ça se passe comment là-bas? Blablabla. Ah, je suis plus la ligne nationale. C'est correct, gars. Viens jaser avec nous autres, ça va avoir du fun. Fait que, on salue David. Merci d'être à l'écoute. Fait que, ceci étant dit, on close le show. C'est assez. On revient la semaine prochaine avec le résultat de la date limite des transactions. On va faire un autre show sur le Canadien et la Ligue nationale. Fait qu'on vous donne rendez-vous jeudi prochain. En fait, nous, on va enregistrer jeudi et vous autres, vendredi matin, ça va être disponible dans vos oreilles. D'ici là, bonne semaine, bonne trade, bon hockey, enjoy, ayez du fun, on se reparle. Bye! Ciao, là. Madrid to Calabasas, Tijuana, Mexico, Buda, Devils, and Tokyo. Say they know me though, cause I'll be putting in work. Commit my life to reverse, well respected, cause that's my word. And I'm sure you heard about a new sound gone round. She might have left my hood, but she was born in my town. You didn't know how we was doing the scene. But it's alright, it's alright. I know you know, I see you smiling at me. Some of those that work forces draw the same that burn crosses.